La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, saint, saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, saint, saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Alléluia! Alléluia! Tango e belemi, il est monioso e monani, kalate suka ya mokili, le nyoso awana se suki, maho, ma, oh, yawe papa, monguna tondi nankanda, loko lantambo a kongoloma, solo alingi ne koboma. O panza pe koiba, bontango na yeti kalimoke. Yonza bena buya, ozalisi ya likolo na se. Yonza bena dikama, mokile simami na mapoko na yo. Yonza bena buya, mbobele yo, bongi nango. Yonza bena longa. Hallelujah. Na bonzeli yonkolo Mbuyana yo etondi singai Na tele mingui na bangate yawe Bokondina yo tika ete eya Colonna se